sans nouvelles de l'univers, je me terre, j'erre à l'envers, tout en sens contraire. Je ne peux plus de la lune au soleil aller. Lumières astrales, lueurs australes, flamme à la lune, pâleur au soleil, au mépris du sens, c'est paradoxal. Vous avez inversé la polarité, vous avez modifié mon humanité. Si dans les gènes subsiste le divin, en dépit du tout, il se diffuse au rien. Sans bonne nouvelle de l'univers, j'erre sans fin, à l'envers, en sens contraire. Je ne peux plus de la haine à l'amour passer. Le regain martèle des retours mortels, des traces endémiques piquent l'amour. N'en déplaise au divin, c'est perpétuel. Vous avez inversé l'évolution, vous avez enclenché l'involution. Si dans la pensée émerge le bien, malgré tout, il se transmute en venin. Sans conscience de l'univers, je perds la notion primaire, tout en sens contraire. Je ne veux plus de la peur au serein rêvé, des conflits faits pour être des faits, des mots à rallier au plus que parfait, au rage, au souvenir si souverain. Vous avez inversé la civilité, vous avez nourri l'animalité. Mais dans l'inné s'obstine la morale, au mépris de tout.